grand cèdre, vos patiences sombres, dans l'âpre beauté de l'oasis arachnéen, un soleil d'encre rouge sur les cahiers d'enfance d'artistes nomades, penchés sur le sol vibrant du tremblement, aux approches de terreur, au centre d'un ciel de femme, ocre et azur, des mots anciens. Voyage, soleil éléphant.